Micro ouvert. Trouver sur le net. Envie de faire écouter une capsule vidéo qui s'intitule « L'écologie, nouveau champ de bataille ». Bon, d'interrogation, c'était une émission de télévision sur le service public. Et c'était suite aussi, vous savez, en 2014, à la mort de Rémi Fraisse, ce botaniste écologiste hein, qui a été tué en 2014 par la police lors d'une manif avec une bombe, par une grenade offensive, ça s'appelle comme ça. Et du coup, il y avait l'invitation de Mathieu Burnel à passer dans cette émission de télévision. Et donc, je lis ce qui s'est dit ensuite, hein, une fois que ça a été diffusé. On peut retrouver ça sur le net. Ça dit, quand on invite un esprit vraiment radical sur un plateau télé entouré de politiciens bas de gamme et de philosophes réactionnaires, la fracture intellectuelle est totale. D'un côté, Mathieu Burnel, activiste mis en examen dans l'affaire Tarnac. De l'autre, le vieux monde à l'agonie. Encore une fois, c'est assez difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti Socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que... Et juste pour mettre au clair certaines... Parce que là, on a entendu beaucoup, ah oui, c'est radicaux, oui, c'est les anarchistes. Après, bon, c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment, vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire. Et donc, vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Bonjour, vous êtes là pour vous expliquer. Précisément. Oui, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. En toute humilité. Excusez-moi, vous êtes au Parti Socialiste, humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie, d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer, non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées. Sa parole peut être respectée quand même. Non. Et c'est j'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, ce n'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où... Il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 72, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait, c'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde, que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens, et que ça va vraiment Je vous laisserai faire votre monologue. Je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Ça s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse d'échanger. Oui, moi j'ai quelque chose à dire, et j'avoue que là, l'échange ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont tout le monde se fiche un petit peu. Non, je voudrais juste terminer. Laissez terminer, Mathieu. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là, qui s'appelait « L'insurrection qui vient ». À ce moment-là, tout le monde rigolait « Ah, l'insurrection qui vient ». Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas trois mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en vais, je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal, je voudrais juste terminer là-dessus. Et je, oui, mais laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Et donc, la dernière chose... On n'est pas pour la lutte armée ou la violence, on veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Donc, là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'on est dans un État fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a deux possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est la seule et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a deux manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes qui se battent pour leurs idées, à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire Pascal quoi, Bruckner. Tenir la police en respect, ça, c'est pas assez clair, tenir en respect. Ça veut tenir dire quoi, envoyer des... Ça veut dire tenir à distance, par les moyens adéquats et nécessaires. Et ça veut dire quoi, des moyens adéquats? Vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, je voudrais que vous me précisiez. J'ai pas compris. Lorsque la je suis police... pas intelligente, vous me l'avez dit tout à l'heure, donc expliquez-moi. Oui, vous avez au moins cette honnêteté-là. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires. Elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent, le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable. On arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler trois secondes. Alors, Pascal Bruckner, s'il vous plaît, Corinne Lepeche, parce que Pascal Bruckner voulait intervenir depuis avant. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Mais on en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la fin. Mais oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été sarkozyste, vous avez jamais, dit tout et n'importe jamais, quoi. Jamais vous jamais vivez juste une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Non, mais il y a des gens vous. Dans cette société qui sont un petit peu sérieux, mais qui ne sont pas des guignols, des plaquignolés, qui viennent dire ah bah oui, mais quand même, avec des espèces de petites transgressions réac à deux francs. C'est ridicule, Mathieu Burnel. On est au moins deux. Des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, je n'aime pas sérieux. Vous vivez dans une bulle. Très en colère. La police nous demande d'avoir un service d'ordre. Il faut que le service d'ordre soit visible. Tout ça est organisé depuis très longtemps. Regroupez-vous. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, nous, les vieux, sommes en colère. Alors écoutez-nous! Nous voilà réunis sur cette place qui porte le nom de la liberté et dont le prix inestimable n'a pu se compter qu'avec le sang et les larmes de nos anciens. Nous sommes là, vos mères et vos pères, parce que nous sommes les enfants des gens qui ont donné leur vie pour que le nom de cette place, liberté, ait un sens. Ces vieux qui vous ont fait, qui vous ont élevé, qui vous ont nourri, qui vous ont soigné, ces vieux-là, ils ont droit à la dignité. Et ces vieux de demain vivront sans doute encore plus longtemps que nous, mais dans une misère crasse si par malheur l'entreprise de destruction de notre système de sécurité sociale voyait le jour. Il y a peu, les vieux pouvaient voyager gratuitement en Belgique. Oui. Tram et bus étaient gratuits. C'est déjà de l'histoire ancienne. Il y a peu, les soins de santé, les médicaments qui concernent pour 50% les vieux était intégralement remboursé, c'est déjà de l'histoire ancienne. Si vous ne jetez pas ce projet aux oubliettes, nous, les vieux, nous allons vous nous énerver grave. Les vieux s'imposeront dans vos réceptions ministérielles, dans vos petites réunions politiques Tupperware, dans vos grandes soirées électorales, dans vos cocktails de fin de mandat, et ils s'exprimeront comme nous. Ils seront le cauchemar de votre service d'ordre. Parce que nous, les vieux, si on nous touche, on porte plainte et on demande des dommages et intérêts. Parce que si votre scandaleux projet passe, on aura bien besoin de ça pour arrondir nos fins de mois en fin de vie. Alors, croyez-nous, monsieur Michel, tous, au moment de mettre leur bulletin dans l'urne, tous ces vieux ne seront pas Alzheimer. La colère du gang des vieux gronde et est irrépressible. Citoyennes, citoyens, à l'action! De la part du gang, des vieux en colère, quant à la pension. Merci. Pensez aussi à votre pension, madame, n'oubliez pas. Je me retrouve devant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, il va être parti. Et il y a quelqu'un qui doit mettre des sous dans sa voiture. Et donc, oui, il revient. Ben, on entendra un petit peu bouger. Hein. On ne voit pas en radio. Hein. C'est ça, on peut inventer n'importe quoi en même temps. Hein. Et donc, il y a une demi-table coupée, là, et vous êtes tous en face de moi, pratiquement. Vous dites ? En demi-lune. C'est joli, hein ? Et donc, on vous appelle, vous appelez le gang des vieux en colère. Absolument. Hein ? Et des vieilles en colère, hein, parce qu'il n'y a pas que des mecs. Hein. Voilà. Ça, c'est plutôt une histoire de masculin qui l'emporte dans un gramme. Oui. Sinon, ça devient trop long. Des vieux et des vieilles, peut-être. Vieux, c'est mieux de dire ça. Des vieilles et des vieux, hein, soyons polis. Et non, mais ce serait trop long. Déjà, le gang des vieux en colère, puis maintenant en néerlandais, de gang van de razende ouderen. Donc, ce serait trop long de mettre tout. On se plie aux anciennes règles de la langue française. Une petite présentation de vous ou pas. Est-ce que vous avez envie de vous présenter, vous qui faites partie du gang des vieux en colère ? Alors, moi, je m'appelle Michel. Je ne vais pas rester longtemps parce que je suis attendu par Marie-Thérèse. Et donc, C'est qui Marie-Thérèse ? Je ne sais pas, mais j'ai vu que ça vous avait fait rire, en général, d'ailleurs. Et alors, c'est une grande chirurgienne. J'étais sur son billard il y a 5 jours. Et je vais lui dire bonjour pour lui dire que tout va bien. Excusez-moi donc déjà de savoir que dans 10 minutes, maximum un quart d'heure, je serai parti. Voilà. Bah, peut-être c'est alors intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites dans ce gang, par exemple, puisque vous allez partir. Alors oui, j'en fais partie. disons que nous sommes une dizaine et puis très vite nous avons été une trentaine à être le noyau dur de base de ce mouvement qui aujourd'hui compte plus de 10 000 membres. Voilà. Et à combien de temps du gang des vieux en colère ? Il existe depuis quand ? Alors, jour pour jour, non, mais mois pour mois, il a été créé en janvier 18, donc il a un an. Jeune, ça, le gang de vie en colère est tout jeune, au fond. Hein. Voilà, c'est un mouvement jeune, de vieux, très fâché, et surtout très fâché contre une injustice terrible qui se prépare surtout pour les futures générations. Parce que vous savez, quand on fait des enfants, on a envie qu'ils vivent mieux et même qu'ils vieillissent mieux que nous. Eh bien, si nous ne bougeons pas, si nous ne redescendons pas dans la rue, comme on l'a fait. Hein, on l'a fait, ça, il y a quand même un petit nombre d'années, ça s'appelait 68, je ne sais pas si vous n'étiez pas né, vous ne pouvez pas savoir. Mais on a fait ça. Alors on redescend dans la rue pour dire maintenant, ça suffit. Dire ça au gouvernement, dire ça aux grandes multinationales, ça suffit. Il y a assez de pognon. Il faut, dans un pays comme la Belgique, qui a le PIB de la Belgique, il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent vieillir dignement, et tous, femmes, hommes confondus. Je suis d'accord avec vous, ça, hein, mais après, on réfléchirait, parce qu'on va peut-être aborder les choses comme ça, mais c'est vrai que vous en allez, peut-être c'est bien aussi de poser la question, puisqu'on... C'est comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Pourquoi il faut redescendre dans la rue ? Mais je pense qu'on a été distrait. Je pense qu'on a été distrait. On ne s'est pas rendu compte que les emballages pour poissons en plastique se retrouvaient maintenant dans le ventre des poissons. On ne s'est pas rendu compte que ça brûlait dans le jardin du voisin, donc ça commence à brûler chez nous. C'est vraiment honnête de dire ça. Hein. C'est quand même une prise de conscience, c'est vrai. C'est les générations derrière aussi. Non, on ne s'est pas rendu compte. Parce que vous savez, les gens qui se retrouvent autour de cette table sont tous des gens responsables. On s'est tous battus à nos niveaux pour ou contre des injustices. Par exemple ? À tout propos, pour par exemple réajuster des salaires, pour par exemple qu'il y ait un bien-être dans les hôpitaux meilleur que ce qu'il est. Enfin, toutes sortes de choses aussi pour l'immigration, pour quand même retrouver, je dirais, un état d'esprit plus ouvert, plus solidaire, plus respectueux de chacun d'entre nous. Donc chacun à son niveau s'est battu et se bat encore. Mais on a été distrait sur les grandes choses. Il est évident que se battre pour une meilleure retraite, au moins minimum pour tout le monde, si la planète brûle, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça ? C'est de dire que quand on dit qu'on se bat pour les générations futures, malheureusement, on se rend compte que nous nous rendons compte tous que ce n'est pas que au niveau de la retraite, c'est à bien d'autres niveaux, y compris, comme je vous disais, cette planète qui est en train de brûler. Je pense qu'on a un vrai souci. Oui, et pas depuis aujourd'hui, quoi, disons. Hein. Ça n'a fait qu'aller. Vous parlez de mai 68, c'est clair que ça existe dans l'histoire, là, récente, on va dire. Mais... Dans les années 80, tout ça part en cacahuète et ça repart de plus belle vers une manière de voir le monde. Mais on l'a pas encore nommé, cette manière de voir le monde. Mais bon, on va pas faire un dialogue. Hein. On va ouvrir le débat. Je vais vous dire au revoir. J'étais très heureux de vous rencontrer. Et si vous voulez, vous pouvez, parce que les jeunes aussi, vous pouvez faire partie du gang de vie en colère. On vous expliquera. Les autres vous expliqueront. Bonjour à Marie-Thérèse. Allez, on démarre aussi, on continue avec peut-être vos prénoms, vos noms, si vous voulez, oui. Moi, je voudrais intervenir, bon, parce que tu dis, oui, mais mai 68, c'est parti en cacahuète. Minute, hein. Mai 68 a quand même servi à quelque chose. Ça a profondément changé la société. Bon, maintenant que la riposte soit venue, surtout la riposte néolibérale, bon, ben, ça, on ne pouvait pas l'imaginer non plus. Donc, dire simplement... que mai 68, ouais, c'est très chouette, mais enfin, bon, c'est devenu des cacahuètes. C'est un peu court, je trouve. Qui a dit ça ? Toi ? Ah ouais ? J'espère que c'est Michel qui a dit ça. Écoute, moi, ce que je vois de ma petite lorgnette, tu vois, c'est que tous ceux qui ont fait, les jeunes qui étaient à l'époque en mai 68, bon, c'est surtout aussi en France, à Paris, que ça a pris de l'ampleur. Parce qu'ici, bon, oui, il y a eu des choses qui se sont passées dans les universités, ici à l'ULB, fameuses. Mais ça n'a pas été dans les rues aussi fort qu'en France, à Paris déjà. Hein ? Non, c'est vrai qu'on a pas acheté des pavés, ça c'est vrai. Mais on y était quand même. Oui, non, mais bon, c'est pas une histoire. C'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas une histoire que de pavé. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, votre génération, à vous, qui était jeune, on va dire, dans ces années-là, ben, elle s'est rangée, quoi. Non, attention, attendez. Qui veut réagir en premier ? Qui veut Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que mai 68 a quand même des retombées au niveau des mœurs. des rapports entre les gens, enfin, c'est peut-être au point de vue économique qu'on s'est fait avoir. Mais moi, c'est surtout à ça, c'est sur ça que je parle, quoi. Mais moi, mais quand on parle des mœurs, attendez, je vais vous donner. Enfin, il y a aussi l'histoire. Après, c'est discutable. Après, c'est discutable parce que oui, c'est discutable. Mais je crois que mai 68, ça a été aussi un grand progrès pour les femmes, parce que mon ex-femme a fait partie du mouvement féministe et elle s'est fâchée rouge quand elle est rentrée à la banque et qu'on lui a dit, écoutez, si vous voulez sortir de l'argent, il faut la signature de votre mari. À l'époque donc, hein, je dis bien. Et donc ça, ça l'a poussée évidemment directement à fonder un mouvement, ce qu'elle a fait. Donc il n'y a pas que mai 68 et il n'y a pas que la France. En Belgique, ça a percuté un peu partout. Il y a des organisations qui se sont créées. Ça a été moins visible qu'à Paris ou en France, mais il y a eu quand même un changement vraiment important. Mais je voulais ajouter autre chose, c'est que à la fin de la guerre, parce que chaque fois qu'on me demande des explications sur ce qui se passe maintenant, je suis obligé de revenir à la fin de la guerre 40-45, où se sont installées la sécurité sociale, les écoles, les hôpitaux, les médecins, etc. etc. C'est après la Deuxième Guerre. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens, ils ne le savent pas, hein. Rigolez pas. Enfin, il y a des gens, peut-être, qui vont entendre, qui sont plus jeunes et qui savent. On a fait tout. Non, mais c'est important de le dire. On a fait tout aujourd'hui pour qu'on oublie l'histoire avec un grand H. Donc c'est bien de la rappeler. Peut-être pour vous, c'est risible, mais le libéralisme a fait tout pour qu'il n'y ait plus de mouvements sociaux, et même son histoire. Oui, oui. Et donc, tous ces mouvements sociaux, effectivement, se sont installés après la guerre. Il y avait des forces en présence. Par exemple, dans tous les pays, des partis communistes importants sont arrivés au pouvoir. Les collaborateurs ont fermé leur gueule pendant un certain temps. Ceux qui étaient proches de la droite n'ont rien dit aussi pendant un certain temps. Et le progrès a pu s'installer assez rapidement. Et c'est comme ça que nous avons hérité, après la guerre, qui était quand même une boucherie invraisemblable. Il y a eu 50 millions de morts, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc, les gens qui se sentent un peu responsables de ce qui est arrivé ont fermé leur gueule pendant 20-25 ans. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu du changement après la guerre, quoi. Mais après, ça a repris du poil de la bête, quoi. Et ceux qui ont fermé leur gueule pendant 20-25 ans se sont dit, bon, maintenant, ça suffit. On a probablement un peu oublié ce qui s'est passé, qui est quoi. On va reprendre du pouvoir. Et c'est comme ça que le libéralisme et les banques, etc., ont tout doucement repris le pouvoir et ont commencé à attaquer tous ces acquis sociaux. Ça dure depuis 20 ans, hein, 20-25 ans, il ne faut pas l'oublier. Ça a commencé à cette époque-là. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas parler tout seul. Réaction ? Comme ça, à chaud ? Bah oui, il dit des choses importantes. Vous pas ? Quelque chose de 68 qui était important, c'est qu'on croyait vraiment, on espérait un monde meilleur à ce moment-là. Veut dire quoi, un monde meilleur ? On voyait plus d'égalité, un monde plus joyeux. Déjà, il y avait en même temps des trucs au Larzac, des trucs où on allait vivre libre. On pensait pas qu'il allait avoir un tel retour de l'économie libérale. On croyait vraiment à un monde meilleur, où, au niveau sexuel aussi. Au niveau sexuel, ça a fondamentalement changé. On avait vraiment beaucoup d'espoir et on n'a pas regardé ce qui arrivait. Et on a été ramassé 20 ans après par un monstre qui démolit la sécurité sociale, qui envoie les gens au fond de la mer, qui se moque de tout. Qui envoie les gens au fond de la mer. Je parle des migrants où des milliers de gens meurent et ça fait très peu de vagues. Mais tout ça pour dire qu'on a une perte de valeur qui est monstrueuse par rapport à mai 68. Mais nous, le gang, on veut remettre ça sur la table. On veut rediscuter la sécurité sociale. On veut redonner un monde digne à tout le monde et beaucoup d'espoir aux enfants, parce qu'ils n'en ont plus tellement. Moi, j'ai l'impression que mai 68, c'était un peu le brouillon de ce qui se passe maintenant. Parce qu'en fait, on était déjà sensibilisés à l'écologie et à l'anticonsommation. Moi, je me souviens très bien, on faisait tout notre possible pour vivre avec le moins d'argent possible. Et ça a été complètement récupéré. Par les entreprises, par le néolibéralisme, par le capitalisme, voilà quoi. En fait, on s'habillait avec des fringues indiennes, et ben, on a commencé à vendre des fringues indiennes partout, quoi. Voilà. La nourriture végétarienne, c'était déjà la mode à cette époque, les macrobiotiques et compagnie. Mais bon, c'est devenu de la nourriture très chère et très chic, et voilà, ça a été récupéré. Il y a toujours une relation de cause. J'ai vu que tu voulais... N'ose pas, hein. Il faut dire que le capitalisme a un pouvoir de récupération vraiment extraordinaire. Et il a un pouvoir aussi de cacher la manière dont il va récupérer ses acquis, qui est assez extraordinaire aussi, il faut le dire. Il est très très fort. Et nous on n'a pas su analyser ce capitalisme pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire vraiment une idéologie extrêmement forte et extrêmement intelligente aussi dans la façon dont il s'est insinué dans nos cerveaux depuis très très longtemps. Par exemple, il se dit par exemple de gauche, puis de droite, puis en fait il a la même... Oui, il se transforme, il se cache, il se camoufle. Mais par exemple, vous, parce qu'on parle au départ de mai 68, vous avez quel âge genre en mai 68? Pour qu'on situe un peu... Ah, moi j'avais 15-16 ans, le bon âge, comme on dit, pour monter sur les barricades en tout cas. Et c'est l'âge un peu que les jeunes maintenant ont quand ils vont manifester tous les jeudis. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, je disais tantôt, c'est une relation de cause et effet. On n'a pas senti venir l'accumulation de pouvoir donc réel dans certaines mains, une concentration de ce pouvoir. Ce qui fait que maintenant, les gens, de manière indécente complètement, s'attaquent à tout ce qui est les acquis sociaux dont les gens se sont battus, comme tu disais, depuis l'après-guerre et même avant, hein, que ce soit au niveau économique, au niveau du féminisme, au niveau, effectivement, qui donne un espoir et qui donne un relent pour donner un meilleur avenir à nos jeunes. Et les jeunes l'ont compris, peut-être sur des valeurs ou des autres champs de bataille. Tu parles des jeunes, parce que là, on comprend plus, c'est aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui font les manifs contre le climat, contre le climat, c'est pas très bien. Ouais, contre le climat. Contre les politiques. Non, pas contre le climat, évidemment. Pas contre le climat. On ne sait rien faire contre le climat, mais on sait faire contre les gens qui ont réduit la planète depuis déjà de longues années, parce que ça ne se fait pas en un jour, à ce qu'elle est maintenant, et qui donne peu d'espoir. Et cet espoir, il est dans la rue pour l'instant. Il est rouge, il est jaune, il est vert. Enfin, qu'importe la couleur, hein, puisqu'ici, on est justement un mouvement qui n'a pas de couleur politique, et qui est un mouvement revendicateur, surtout, qui s'est formé sur Internet, dans la rue, dans les endroits où, effectivement, on a dit, ça suffit maintenant, effectivement, et qui rejoint d'autres mouvements à un moment donné ici, parce qu'on se bat pour des valeurs, outre ça, des choses qui doivent dans l'avenir rester présentes dans l'esprit, comme c'était en mai 68, qui ont, comme tu dis, peut-être récupéré ou pas récupéré, je pense pas récupéré. Non, ça, c'est sûr que ça a été récupéré, puisqu'on en est là aujourd'hui dans un monde... L'histoire se répète apparemment, hein, tu sais très bien, mais en même temps, à chaque attaque, si tu veux, par rapport aux acquis sociaux, il y a une réaction, heureusement, qui porte encore espoir, mais évidemment, le tout, c'est le rassemblement. Et nous, je vois bien, chaque action que le gang des vieux en colère se fait, on se met avec d'autres associations, que ce soit des syndicats, etc., tous les gens qui veulent, hein, et qui ont les mêmes idées, en fait, de voir naître un monde meilleur au détriment du capital. Ça, c'est une réalité. Oui, tu veux parler? Quel âge alors? À moins que ce soit secret, hein, mais... Non, mais attends, si je me souviens bien, mais je vais avoir 18 ans, quelque chose comme ça, et je rentrais à l'UNIF, en fait. Ici, en Belgique, oui, à Bruxelles? À l'ULB. Et en fait, j'ai fait mes candidatures et tout. Et puis moi, ce mouvement de mai 68, ça m'a carrément transportée aux États-Unis, où pendant deux, trois ans, j'ai travaillé avec les Panthères Noires, quoi. Mais non! Mais si! Donc c'est pour ça, quand tu me dis, oui, mais non, mai 68, c'était de la couille. Non, c'était pas de la couille. Moi, je me suis retrouvée aux États-Unis. Non, j'ai dit, mais franchement, non, je pense mais pas non, du non. tout que c'était... Que c'était pas du tout. Hein. C'est de la provoque. Je veux dire que les gens qui... Que les personnes qui se sont mises là-dedans étaient vraiment très convaincues, quoi. Bon, quand on compare le sort des boat people vietnamiens à l'époque avec celui des migrants qu'on laisse, effectivement, mourir. Bon, je ne vais pas dire le mot, mais c'est quand même, on les laisse crever comme des poissons morts. C'est honteux, quoi. Alors qu'à l'époque, bon, les boat people, ben, on a fait tout. Bon, on était là, on était accueillants. Les émigrés chiliens, contre la dictature de Pinochet, ils ont été accueillis à bras ouverts. C'était une toute autre mentalité, quoi. Et c'est pour ça quand Michel... Tu veux dire que c'était une autre mentalité qu'aujourd'hui ? Ben oui. Oui. Parce qu'elle était... Bon, quand on faisait les marches contre la guerre du Vietnam, etc., etc., c'était des foules, hein. C'était oui, mais pas... là, tu parles... Oui, tu parles... Oui, parle t'es aux États-Unis, là. Non, je parle d'ici. Ah, ici. Ah oui, c'est vrai. Elle, t'es plus jeune. T'es plus jeune que nous, ça, c'est vrai. Oui, c'est non. 60, on le faisait... C'est les... aussi ici qu'on faisait les manifestations les grandes marches, hein, les manifestations, etc. Anti-atomiques, oui. Je veux dire, toutes les marches... Oui, on se rappelle à l'époque, c'était là que ça démarrait. Absolument. Donc, il y avait des gens dans la rue, tout le monde voulait changer les choses. C'était fort. Très. Mais moi, je crois qu'on est... Pardon. Non. Non, je crois qu'on est pour le moment aussi, si on travaille bien, dans un point de rupture. Parce que quand je vois les jeunes dans la rue, quand je vois ce qu'ils disent et comment ils le disent, je suis étonné. Moi, à leur âge, je n'avais pas cette conscience. J'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre ce qui se passe autour de moi et à analyser ce que représente ce capitalisme dur. Et eux, dans la rue, pour le moment, je trouve ça magnifique. Et je crois qu'on est à un point de rupture. Il y a énormément de gens, énormément d'organisations, énormément, oui, en Belgique, en France, partout, qui sont contre ce qui se passe, c'est-à-dire contre ce que le système nous impose. Et si on est suffisamment intelligent et suffisamment tactique, je dirais, peut-être qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Maintenant, le moment maintenant, donc je reviens à maintenant, parce qu'on peut parler de ce qui s'est passé après 40, 45, etc. Voilà. Mais c'est maintenant. Et maintenant, je trouve qu'on est à une période vraiment charnière. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il faut qu'on fasse tous et chacun tout ce qu'on peut pour que ça débouche sur quelque chose de très positif et un réel changement. Mais il ne faut pas oublier que le capitalisme... Moi, j'ai fait de la coopération au développement, ce qui veut dire que j'ai travaillé en Haïti, j'ai travaillé au Salvador, j'ai travaillé au Nicaragua, etc. Comment ? Oui. Donc j'ai vu ce que le capitalisme, quand il est libre de ses mouvements, comme on dit, ce qu'il peut faire et comment il traite les gens. Avec une brutalité, ce sont des tueurs, il ne faut pas l'oublier. Hein. Avec une indécence invraisemblable. Ce que j'ai vu en Haïti ou ce que j'ai vu au Salvador, on mettait en place des petites pièces de comment dirais-je, on faisait des prothèses dentaires, voilà. Et l'armée n'hésitait pas à rentrer, et c'était des femmes paysannes qui s'en occupaient. Je suis très concis là-dessus, parce que j'ai pas envie de m'étendre sur mes avances. Surtout, il faut qu'on comprenne, donc on continue, oui. Parce que sinon on comprenne. Oui. Pourquoi je continue, oui, c'est ça. Et donc, ce que j'ai vu, c'était une violence de ce capitalisme qui était installé là, principalement capitalisme américain, évidemment, puisque c'est dans sa, comment dirais-je, dans son ère de pouvoir. Et j'ai vu des choses épouvantables. J'ai vu comment on tuait des femmes qui avaient appris à se nettoyer les dents, à faire nettoyer les dents, etc., etc., à faire des petites prothèses et des choses comme ça. L'armée rentrait dans ces petites structures, tuait tout le monde. Et c'est là, au fond, à cette époque-là, qui était quand même une époque lointaine, dans les années 75, 78. Une époque lointaine, c'est pas si lointain. Hein. Non, je sais. Bon, d'accord. J'ai vu quelle était la cruauté du capitalisme. Et donc, depuis cette époque-là, je sais qu'un jour, il faudra lutter contre ce capitalisme qui est quand même très intelligent dans la manière dont il nous prend la tête. Voilà. Mais on a parlé de capitalisme, on n'a même pas encore défini. Moi, pourquoi, en fait, je fais référence à mai 68, c'est parce que je vous titillais un peu en disant « Mais qu'est-ce que vous avez foutu ou pas foutu ?» pour qu'on en soit arrivé là où on en est aujourd'hui, les générations qui suivent, quoi. Aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire ? J'avais envie de vous titiller là-dessus, tiens, comment vous voyez les choses, quoi ? Parce qu'à un moment donné, c'est sûr, mai 68, j'ai titillé en disant, oui, mais c'est de là. Non, il y a eu des grands, des choses énormes qui se sont passées, mais vous êtes bien d'accord ? Après, je te donne la parole, hein, t'inquiète, c'est pour rebondir aussi, parce que sinon, on part dans tous les sens. Hein. Et oui. Donc, c'était pour dire... Attendez, c'était pour dire... Oui, je vous titillais, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, on le sait, après mai 68, le temps passe, et en 80, il y a de nouveau le libéralisme avec Thatcher, Reagan, vous voyez, tout ce qui se remet, c'est reparti, quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça. Vous aviez envie... Moi, j'ai envie de dire que ce que lui raconte de ce qu'il a vu dans des pays en voie de développement à l'époque, mais c'est en train d'arriver chez nous petit à petit. C'est-à-dire que quand on voit qu'on tire sur les gilets jaunes avec des armes LBD 40 et qu'ils sont blessés, on commence à tirer sur les foules chez nous. Alors, c'est bien, c'est égalité un peu, non? C'est-à-dire... Mais c'est-à-dire que pourquoi, ça aurait pourquoi, dû se faire pour... dans l'autre sens. Moi, j'ai toujours espéré... que ce serait le monde en voie de développement qui allait s'améliorer et évoluer dans le même sens que nous. En fait, c'est le contraire qui se passe, c'est nous qui nous carmons, disons. Moi, je dis pourquoi pas, hein. Pourquoi ce serait toujours nous qui... Parce que nous... Mais non, il fallait que ce soit dans l'autre sens que ça se passe. Oui, mais moi, je rajoute qu'on est toujours... Nous, on est du bon côté, en fait. Vous savez, même quand il y a des attentats, tout là-bas, partout dans le monde, hein, on se préoccupe pas. Mais moi, y compris, hein, je suis pas là... Mais quand ça arrive... Attendez, mais quand ça arrive chez nous, alors on est là, horreur, malaise, attention. Enfin, voilà, à un moment donné, nous, qui avons vécu vraiment... on vit tous... Pas tous, hein, heureusement, mais on vit... On vit comme des extra-bourgeois pour certains. Enfin, Attendez, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. On vit pour la partie du monde. Donc on n'est pas tous à égalité à la base. Et quand ça nous revient, nous, à un moment donné... comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Bien, moi, je voudrais dire une chose. J'ai vécu au Maroc pendant 15 ans. Hein, on peut dire que c'est une dictature. Et tout le monde fermait sa gueule. Moi compris, parce que je n'étais pas dans mon pays. Donc, je sais comment ça marche dans une dictature. Ça marche comment? En quelques mots, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. On ferme sa gueule, parce que si on la ferme pas, on va en tôle, on a des problèmes à son travail, on est foutu à la porte, voilà. Hein? Donc, on fait attention. Donc, je veux dire que chez nous, dans les pays dits démocratiques, on n'avait pas cette impression qu'il fallait fermer sa gueule. Donc, on n'a pas l'habitude de fermer notre gueule. Et donc, maintenant qu'on essaye de nous embêter, de nous faire vivre des... Mais c'est comment ton prénom? Anne. Anne, je suis bien d'accord avec toi. On n'a pas l'habitude de fermer sa gueule. Mais tu connais la phrase qui dit « en démocratie ». Oui, oui. Tu la connais? C'est... Est-ce qu'il y a vraiment... Voilà, je sais. Tu peux la dire parce qu'on ne l'a pas entendue. En dictature, c'est « ferme ta gueule » et en démocratie, c'est « cause toujours ». Eh ben nous, on cause toujours, mais on cause bien, je trouve. Voilà. Voilà. Et donc, on a une tradition d'ouvrir sa gueule et on ne va pas s'en priver. Voilà. On n'accepte pas ce qui arrive pour le moment. Ça te fait rire, Daddy? Mais non, moi, ça me fait rire parce que... Non, ça ne me fait pas rire du tout parce que c'est dramatique, toute cette situation. Mais moi, je dois dire que 68, je me sentais absolument pas concernée. J'ai pas été éduquée dans cette démarche de conscientisation. Et en 68, j'avais déjà 3 enfants, donc je me démerdais pour les élever, pour faire le plus. Et donc, je me suis retrouvée dans un certain confort dont j'ai pas pris conscience. Ce n'est que beaucoup plus tard, en voyageant, c'est en voyageant que j'ai commencé à me rendre compte de tout ce qui se passait dans le monde, et que j'ai commencé, et depuis, je ne ferme pas ma gueule et je ne la fermerai jamais. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein? Si je peux continuer, par rapport aux jeunes, Jacques en parlait, moi j'ai beaucoup plus d'espoir dans un changement de la société aujourd'hui qu'il y a 7-8 ans, par exemple. Oui, oui. Je trouve qu'on a fait un bond énorme. Et quand je vois des directeurs d'école, des professeurs qui travaillent avec les jeunes sur les sujets importants de ce changement, avant c'était tu obéis, tu es à l'école, tu n'es pas à l'école, c'est pas bien. Là, non. On profite de cette situation pour faire évoluer les choses. Et ça, c'est l'espoir. Et c'est pour ça que je suis prête à me battre pour qu'ils aient un avenir meilleur. Parce que c'est vrai que c'est très joli d'avoir une retraite convenable, mais si c'est pour crever parce qu'il n'y a plus d'animaux, parce qu'il n'y a plus de climat, parce qu'il n'y a plus rien, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut quand même pas... Entre 68 et aujourd'hui, il n'y a quand même pas un trou au niveau des luttes sociales. Il ne faut pas non plus en faire un désert. Je ne sais pas combien de manifestations j'ai fait dans ma vie jusqu'ici, mais c'est un bon paquet. Ça n'a pas arrêté, en fait. C'est vrai qu'il y a eu, à partir des années 2000, c'était plus calme, mais avant, tant pour des fermetures déjà d'usines, de charbonnage, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des photos aussi. Mais j'ai des archives incroyables de manifestations en Belgique, et le monde social, le monde syndical ne s'est jamais arrêté. Mais il a été... On essaie de lui fermer la bouche, je crois. Y compris les médias qui diffusent de moins en moins de discours un peu plus analytiques sur la situation actuelle. Parce que je trouve que c'est assez à sens unique ce qui passe généralement dans les médias. Quand on voit ce que Libération qui fait de la publicité pour l'élection de Macron, je suis tombé de mon lit ce jour-là. Parce que on repart en France, mais Macron, on le connaissait pas, quoi. Puis un jour, il débarque, le bonhomme. C'est automatique, quand même. Quand on voit les couvertures des grands journaux parler, télévisés, le soir qui, par rapport à la grève générale de ce mercredi, sort un entrefilet, un petit paragraphe dans le journal. C'est quand même significatif de quelque chose. Donc, on voit moins... ils essaient qu'on voit moins ces mouvements sociaux. Et ça fait 20 ans que ça dure. Mais ça commence à émerger, et à un moment, on ne sait plus les cacher. Je fais des manifestations pour les justices migratoires aussi. Parfois, on a un mot de fou, et on entend qu'on est 600 à la radio, à l'RTBF, ils disent qu'on est 600, on est au moins 4000. C'est du délire. Enfin, il y a... Oui. Mais ça ne va pas durer. Ils vont perdre Qu'est-ce qui ne va pas durer ? Cette désinformation, ça émerge. Il y a autre chose qui sort, de plus en plus. Vous ne pensez pas qu'Internet, le réseau social, a permis aussi de... Parce qu'on regarde toujours les réseaux sociaux comme quelque chose de pas bien. Oui, il y a des bêtises comme partout, mais il y a aussi un véritable contre-pouvoir. Hein. Je crois que le gang n'en serait pas là si Facebook n'était pas là. Facebook. Moi, j'ai connu le gang grâce à Facebook. Moi aussi. Au tout début, place de la, quand on a fait le, vous avez été déposé la lettre place de la liberté, mais c'est grâce à Facebook. Depuis, je l'ai plus lâché, mais peut-être que sans Facebook, je l'aurais pas connu. Même si Facebook, c'est un gros imbécile, hein, faut pas oublier qu'il y a nos données et tout ça. Hein, bon, voilà, il faut pas être naïf, quoi. Il est ce qu'on en fait, en fait, Facebook. Pas complètement, hein, puisqu'il y a quelqu'un derrière qui marchande nos données. Bon, on n'est pas obligé, on peut aussi s'en servir pour se retrouver, pour se réunir sur une même idée, voilà. Et ça a marché, la preuve. Oui, mais ça devient de plus en plus difficile parce que les algorithmes de Facebook font qu'on finit par rater tout et parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a trop d'informations et trop d'informations tuent l'information. Ça, c'est... Donc on est en train de développer d'autres moyens d'information, de communication. Parce qu'on se rend compte que c'est pas... D'abord, tout le monde ne va pas sur Facebook. Certains quittent Facebook. Moi, j'ai un fils en Suisse. Il me dit, oui, moi, j'ai quitté. C'est bon. Si tu veux me joindre, c'est sûr, je ne sais plus comment. Un moyen sécurisé suisse. Je dis, oui, sécurisé pour combien de temps ? Mais bon. Donc, il va falloir qu'on déploie plus en ayant un blog, en ayant un site. Enfin, bref, des tas de choses comme ça. Mais en attendant, c'est vrai qu'on n'existerait pas sans ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans ce bazar, on essaye d'en faire quelque chose d'intelligent. Mais ne nous illusionnons pas, il y a des gens derrière qui n'ont pas des bonnes idées. Hein. Vous dites ? Et les fake news, parce que quand on voit ce qu'on arrive à faire, même en faisant dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas dites, je viens de le voir dans le journal hier soir, je crois, c'est hallucinant, parce qu'on regarde la personne et on se dit, oui, c'est ce qu'elle a dit, le lip-sync y est, et c'est pas du tout vrai. Ah bon, hein, Je sais plus, on a montré avec Obama à qui on avait fait dire des choses, à je ne sais plus quelle... Mais oui, non, c'est... Comment ça, enfin... Oui. Attention, parce qu'en ce moment, j'héberge quelqu'un qui est entré à ce moment-là, donc je n'ai pas tout vu, mais ça avait l'air très impressionnant, hein. Mais bon, là, on s'égare sur les fake news, mais simplement pour faire une petite parenthèse, les fake news, ça a toujours existé, hein, qu'on raconte l'information pour tourner la vérité du réel. Hein. On est tout à fait d'accord. Allez, on reprend le gang des vieux en colère. Il se trouve ici devant moi. Vous êtes combien dans ce gang à la base? On est, dans le groupe fermé, on est près de 3005, je crois, maintenant, plus des sympathisants où c'est encore, plus sur mail, mais Michel aurait mieux pu dire parce que finalement, c'est lui qui gère tout le temps tout. Mais on considère qu'on est plus ou moins entre 10 et 11 000. Mais les vieux, c'est le futur, hein. Il va en avoir de plus en plus, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Mais c'est aussi justement une force électorale. Le nombre de personnes âgées augmente. Enfin, on a l'intention quand même de vivre encore très longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'on meurt moins vite. 20 ans, voilà, exactement. On ne sait pas dans quel état, mais. Non, mais pour le moment, on est encore en très bon état et on a encore le temps. Et c'est quand même une force électorale, ça va devenir, et c'est déjà une force électorale. Et donc, si le gang des vieux en colère peut faire pression sur le politique, justement, grâce à sa force électorale, je trouve que c'est quand même un outil de poids, quoi. Oui, non, et puis c'est bien de vivre plus vieux, hein, c'est évident, mais on doit lui donner aussi la possibilité de vivre décemment plus vieux. Et donc, il y a plein de revendications qu'effectivement le gang des vieux en colère voulait porter en avant, hein, pardon, comme la pension au minimum, hein, à 1600, un peu plus gourmand que les autres, parce qu'on sait très bien que bon, il faudra se battre jusqu'au bout et pas seul, hein, il faudra se battre sur ce bout. On est contre la pension donc à points, hein, ou la capitalisation, enfin tous ces subterfuges, je dirais, des gouvernants qui de toute façon d'une autre arriveront, même si ils sont, des fois ils font l'aumône, comme on dit, on pourrait, hein, c'est que ça, parce que nous c'est des droits qu'on réclamait, pas de l'aumône. Ils essayent de faire croire qu'effectivement ils ont un alibi social quelque part, mais c'est pas vrai, parce que l'argent, donc effectivement tout cet argent, on l'a vu dernièrement quand on a fait une action là chez Apple, tout cet argent, cette évasion fiscale pourrait servir à créer des emplois dans le non-marchand, les infirmières, etc., tout ça. Donc ce sont des revendications concrètes et qui rejoignent peut-être d'autres revendications et qui font que nous on est dans la rue, on est sur le terrain, c'est ce qui est important de montrer, et que donc, vieux, c'est un état d'esprit, on a encore des jambes, on a encore notre grande gueule. Hein, et... Je dis, il y en a qui sont vieux en naissant, hein, c'est terrible. Donc, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est d'abord, il va y avoir des élections, bientôt. Mais vous dites que vous êtes... pas partisan, en fait. Hein? On n'est pas partisan. Donc, on soutient tous ceux qui vont dans le même sens que nous. Je vais donner un exemple. On soutient les causes communes syndicales, parce que c'est cause commune, parce que nous, on ne veut pas d'étiquette ni de gauche, ni de droite, ni de quoi que ce soit. On ne veut pas adhérer. Maintenant, on prévient les syndicats. On est prêt à vous soutenir si vous allez dans le même sens que nous. Si vous faites une connerie, on sera contre vous. Et c'est quoi le même sens que vous? Ça veut dire quoi? Si dans leurs revendications, il y a les mêmes choses au niveau des retraites, puisque j'insiste surtout que nous, on se bat pour la retraite, pour les futures retraites. Et s'ils vont dans le même sens, on sera derrière eux, on les soutiendra, et voilà. S'ils vont dans un autre sens, bon, on tirera à vue, hein, c'est clair. On n'est pas des gangsters pour rien, hein, les Kalachnikovs, on connaît. Donc voilà, et je pense que quand Françoise dit le poids électoral des vieux est important, parce qu'il est vrai qu'il a été démontré encore dernièrement qu'on ne vit pas spécialement plus vieux, on vit plus nombreux plus vieux, mais il y a toujours eu des gens qui ont atteint les 100 ans, les trucs, hein, et qui sont en parfaite santé. Regardez Pierre Soulages qui peint encore à 99 ans, c'est extra... Pierre Soulages est un des tout grands peintres qui peint que des tableaux noirs, voilà. Je ne connais pas du tout, hein. Hein, mais il faut aller voir son musée à Rodez, c'est extraordinaire. Et voilà, donc on vit dans des meilleures conditions, plus vieux, parce qu'il y avait les soins de santé qui étaient bons, mais les soins de santé, ils sont en train de se dégrader complètement. complètement. Quand on a le malheur d'être hospitalisé, on se rend compte que les infirmières, elles n'en peuvent plus parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, parce que tout ce qu'on leur demande, c'est de faire des économies partout. On ne leur demande pas le bien-être. Que dans les maisons de retraite, on leur donne 2 minutes pour faire la toilette de vieux, alors que les vieux ont besoin d'un peu de présence, d'un peu de choses, etc. Et quand on en revient, on dit 1600 comme retraite minimum, avec 1600, on peut déjà pas payer une maison de retraite. Donc, qu'est-ce que les vieux font ? Mais après, oui, le montant, moi, je sais pas trop bien, mais j'ai entendu que pour 1500, 1600, c'est, il paraît, le montant adéquat, quoi, pour vivre. Mais sans faire des plans sur la comète, sans vivre non plus, vous voyez. Peut-être pour vivre. Hein? Et à Bruxelles, c'est déjà très, très limite parce que vous avez vu, les loyers n'arrêtent pas de monter. C'est vrai qu'on est une des capitales les moins chères, mais ce n'est pas une raison. Hein? Mais si vous devez rentrer en maison de retraite, vous n'arrivez pas avec les 1500 ou les 1600. Quand je dis 2000, c'est 2000, c'est déjà pas un luxe de maison de retraite. Et vous devez encore avoir de quoi payer les médecins au-dessus, parce que tout n'est pas compris. Hein, ce n'est pas un all-inclusive comme au Club Med. Hein. Est-ce que vous avez une analyse pour expliquer, parce que souvent on entend, oui, mais les vieux, ils vont être de plus en plus nombreux. Les jeunes, il y a moins de boulot. Vous la connaissez, cette chansonnette. Quelqu'un peut démonter ces phrases toutes faites ? Je recommence. Oui. Quand on parle des vieux, quand on parle des jeunes, si on dit, vous devez être au courant, qu'on ne sait pas payer, que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour payer les retraites. Pourquoi il n'a pas ? On entend ça, hein ? Le gouvernement, on ne sait pas payer les retraites. Est-ce que quelqu'un peut analyser la situation ? Parce que moi, par exemple, je discutais avec une dame comme ça que je ne connaissais pas, en disant « Ah oui, mais les retraites, il n'y a plus assez d'argent, il n'y a plus assez d'actifs pour payer les retraites. Hein. » Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? D'abord, autre chose, les jeunes et les vieux. Pourquoi il y a tant de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail et que nous, on veut nous faire travailler jusqu'à 67 ans ? Pourquoi ? Mais je vous le demande. C'est incroyable. Et l'argent, il est là. Le gouvernement gagne 2 ans sur les retraites. C'est ça que je voulais dire. Oui, d'accord. Et l'argent, il est là. En 2018, il y a eu entre 34 et 40 milliards de fraude fiscale, d'impôts impayés, tout ça. 34 milliards, c'est énorme. Avec ça, on paye les pensions, on paye les infirmières, on paye les enseignants. On refait une sécurité sociale qui donnerait une vie agréable à tout le monde, décente à tout le monde. Il n'y aurait plus aucun problème. Mais pourquoi on ne chasse pas ces 34 ou 40 milliards ? Il y a même de moins en moins de juges au palais de justice qui s'occupent des affaires fiscales. Fatalement, s'il n'y a personne qui court après, ils ne vont pas le donner. Hein. Mais nous, on va courir après. Donc tout ça est mis en place, c'est pas pour rien, pour qu'en fait il n'y ait plus de pensions et que tout le monde... maintenant, vous voyez ce que je veux dire ? Vous, votre analyse, quand je dis... Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, on entend, oui, mais les pensions, il n'y a plus d'argent. Mais l'argent, il est là, puisqu'il est, il est employé pour d'autres affectations. On voulait nous faire vendre des chasseurs bombardiers américains. On voit bien, on a renfloué les banques, je veux dire, quelque part. Mais on voit aussi, de l'autre côté, une précarité. C'est pas pour rien que les gilets jaunes, ils descendent dans la rue. Et qui vont jusqu'au bout, parce qu'il y a une certaine décence à respecter, je pense. Et ça, c'est aussi bien pour les jeunes que pour les vieux. Je veux dire, l'avenir, il est entre nos mains, nous. Et je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné se réveiller, parce que tu disais qu'il y a eu cette période de somnolence après 68, je ne pense pas. Il y a des choses qui se sont mises en place. On se bat quand même contre... le grand capital, comme on dit, et face à ça, nous, on est dans les revendications, je dirais, minimales, ici, hein, donc avec le gang des vieux, dans notre secteur, mais plein de gens, partout, se battent, effectivement, pour avoir un salaire minimum décent, etc., qui existe. De plus en plus, on voit, comme on discutait tantôt, hein, les charges patronales diminuent, au contraire d'augmenter, on ne taxe pas les grosses fortunes, enfin, des tas de choses. Donc, l'argent, il est quelque part, il y est, parce que que je veux dire, on voit très bien, hein, je veux dire, il y a des gens avec des parachutes dorés et tout, tandis que ça, à côté de ça, il y a des gens, ben, il y a de plus en plus d'SDF, je veux dire, et les vieux comme les jeunes sont dans des situations tout à fait incertaines, et il y a qu'une solution, c'est de dire à un moment donné, non, ça suffit, c'est pour ça que je veux dire qu'on est révolté, on le sera toujours. Comment vous vous appelez? Oh, Freddy. Freddy, j'aime bien parce qu'il dit, mais non, il suffit de dire, j'adore, parce que c'est déjà pas mal, mais ça ne marche pas comme ça. Il a entièrement raison, et aujourd'hui, mais les entreprises, si elles ne peuvent pas augmenter les ouvriers et les trucs, mais par contre, les actionnaires, il faut les gâter, il faut qu'ils aient des dividendes énormes. Mais non, il faut arrêter, quoi. Il faut mettre une limite à tout. C'est sûr qu'on a besoin d'investisseurs pour continuer à faire fonctionner des pays, mais il faut peut-être limiter aussi ce que ça peut rapporter, ce que ça peut faire, et que tout l'argent ne soit pas dans les mêmes poches. Je veux dire que moi, ceux qui sont là et qui disent « Ah, celui-là, il a 1 million par jour, il gagne 1 million par jour », mais qu'est-ce qu'il peut en foutre 1 million ? Il ne peut même pas le dépenser, ou alors il achète je ne sais pas quoi tous les jours, mais il ne peut pas le dépenser. Donc il faut arrêter, il faut qu'il y ait une limite entre, par exemple, le salaire de l'ouvrier, qui est quand même celui qui fait tourner la machine. Hein. Voilà. Hein, oui, mais c'est important à dire, parce qu'on ne le dit pas souvent, ça, hein, oui, que la richesse... Si la personne, elle peut investir, c'est parce que... Attends. On n'existe pas. Sans ouvriers, le patron n'existe pas. Et sans les patrons et les ouvriers, les actionnaires n'ont pas de dividendes. Alors, il faut arrêter tout ça. Mais il faut aussi qu'il y ait une... Bon, on peut estimer que le patron a besoin d'avoir des connaissances hautes pour bien gérer et qu'il ait un salaire plus élevé. Mais il faut que ce soit... Mais non, même pas. Je ne vais plus me battre pour ce genre de choses, mais je trouve que ça doit rester dans une limite décente. Oui, là, on comprend bien qu'il y a des... Et dans tout ça, on revient, parce qu'on est là pour le gang des vieux en colère quand même. Hein. Ça fait partie, hein, mais ça fait partie des discussions. Bien sûr que ça en fait partie. Et quand Michel disait tout à l'heure qu'on essaye de détourner tout pour qu'il... on évite certains impôts, certaines choses, enfin que les patrons évitent de payer les charges sociales, etc., c'est au détriment de nous. Ça devrait être interdit. Et le gouvernement, alors que ça devrait être interdit, et le gouvernement est en train de pousser dans le sens inverse, en disant, il faut que tout le monde épargne pour sa pension et soit conscient de tout. Imaginez, je ne sais pas moi, les certains emplois comme dans les grandes surfaces, les caissières, les caissières, caissiers, je ne sais pas, hein, voilà. Ce n'est pas une question de sexe, quoique quand même les femmes restent toujours défavorisées un peu partout, et c'est pour ça que le gang en colère va soutenir l'action le 8 mars hein, des femmes, justement. Mais ces jeunes femmes qui sont parfois avec un enfant, deux enfants, et qui ont des emplois à temps partiel, parce qu'il n'y a quasi plus de travail à temps plein, et qui gagnent 800, 850 euros par mois, mais qui ne peuvent même pas faire un deuxième petit boulot parce que les horaires changent de semaine en semaine, comment voulez-vous qu'ils aillent en plus épargner ? En plus, on vous dit qu'aujourd'hui, les banques, quand vous aurez un certain montant sur vos comptes, si elles ont des difficultés, elles pourront se servir. Il y a déjà des banques, je ne sais plus laquelle, qui a décidé de ça. Que les gens qui ont plus de 100 000 euros, ce qui n'est pas la grosse fortune, hein, si on veut épargner pour sa retraite, voilà. Eh bien, les banques pourront dire, ah, on en prend un petit peu. Voilà. Je n'ai pas compris, là, hein, ce que tu veux dire. Au niveau bancaire, c'est vrai, il y a des banques qui sont en train d'essayer d'instaurer un système que... On doit soutenir les banques, comme c'est l'État qui a sauvé certaines banques il y a quelques années. Eh bien, maintenant, ils pourront puiser dans les comptes de leurs clients. À voir tout ça. Oui. Non, c'est vrai. C'est oui, oui, mais... C'est un fait. Mais déjà, quand il y a eu la crise, quand il y a eu la grande crise, les gens qui avaient plus de 100 000 euros sur un compte épargne risquaient de ne pas tout récupérer. Tout à fait. C'était le seuil pour récupérer son argent. Et maintenant ils pourront puiser dedans. Tranquille. Hein. Bah oui, bah en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord si j'utilise le mot répartition des richesses? Oui, c'est ça. Oui. Redistribution des richesses, oui. C'est ça. Oui. Mais je voudrais compléter sur ce que tu disais par rapport à l'épargne. En fait, on veut nous faire aller, enfin pas nous parce que c'est fini, on est pensionnés, Mais faire épargner les gens pour la pension, c'est alimenter des fonds de pension, en fait. C'est mortel. Ça a été à l'origine de la crise américaine, qui a foutu l'économie mondiale par terre. Il y a déjà eu des affaires en Belgique, il y a eu une à Liège il y a quelques mois. C'est confier l'argent qui devrait être public à des banques privées qui vont en faire n'importe quoi et qui vont se servir de ces fonds pour démolir des gens. C'est de la folie. C'est un monde de fous, ça. On va dans le mur avec ces trucs-là. Sans compter ceux qui ne pourront pas cotiser, qui eux n'auront aucune chance. Les autres, peut-être, qui récupéreront. Mais donc, des gens aussi qui devront travailler jusqu'à leur fin de leur vie. C'est ça aussi, hein, non ? Il y en a de plus en plus. Hein. On va rejoindre les États-Unis où vous voyez des personnes de 85 ou 90 ans qui sont en train de nettoyer les toilettes d'un camping parce que pour pouvoir rester et pas payer trop pour le remplacement, ils sont obligés de faire ça. Enfin, c'est odieux, quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est la pension minimum pour tous, hein, pour c'est tous, évident. Ouais, femmes, hommes, et alors pas commencer avec les catégories, il y a les chômeurs, et il y a ci, il y a ça. C'est-à-dire c'est une pension minimum garantie pour tout le monde. Je pense que... Et c'est combien minimum, alors ? Hein ? Combien minimum ? 1600. Ah, voilà, en fait, qui est lié au bien-être. C'est 1500. On avait parlé, et l'État parle toujours de 1500, mais c'était calculé en 2017. Nous, on estime qu'aujourd'hui, c'est 1600 pour être lié au bien-être. C'est pas au niveau de vie majestueux, c'est simplement pour vivre bien. Y compris pour ta caissière qui travaille à mi-temps avec ses deux enfants. Y compris pour la femme qui a été pendant des années au foyer, parce qu'il y en a plein, qui ont été les aides des maris dans des petites entreprises ou dans des fermes ou dans n'importe quoi, et on considère qu'elles n'ont pas travaillé. C'est impossible, ça. C'est impossible d'accepter ce genre de choses. Tout le monde doit avoir droit à la même chose. Sauf que si tu dois payer un loyer de 700 à 800 euros, ce qui te reste sur tes 1500 ou tes 1600 euros, c'est très peu. Mais très peu. Oui. Tu vois ? Donc ce n'est pas encore suffisant. Il doit encore y avoir des murs de protection autres que simplement ça. Voilà. C'est un combat à long terme, un combat politique quelque part. Hein, je veux dire, donc, il est évident que, en tout cas, nous, on a bien vu, le mouvement s'agrandit. Il y a une sympathie tout à fait autour du mouvement des vieux en colère, parce qu'on rejoint quelque part, comme tu dis, on ne pense pas spécialement à notre situation à nous, on se débrouille, mais pour le futur, on y est tout de même, il n'y aura même peut-être plus de pension pour les jeunes, donc ça devient aberrant. Des gens se sont battus, sont morts pour ça. Oui, j'ai envie de le dire, quoi, et c'est eux qui ont décidé d'être solidaires, et maintenant... C'est fou comme on s'est fait couillonner, quand même. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est nous, les gens qui se sont battus, qui avons mis ces choses en place pour qu'on soit solidaires les uns des autres. Et aujourd'hui, les gens au pouvoir ont récupéré toute cette mise, déjà, et décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec, quoi. Enfin, je trouve ça dingue. Mais c'est pour ça que les jeunes doivent nous rejoindre, parce que on défend leur pension, et si on se bouge pas, ils auront plus rien du tout. La majorité va se retrouver avec des cacahuètes pour survivre et ils iront dormir dans la rue. Le travail en même temps, c'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes aussi, hein, non ? Ouais. Ah ouais, puisqu'on nous fait travailler jusqu'à 67 ans. Ça ne s'arrangera pas. Mais. Si, bon, c'est vrai, tu dis, bon, ils font ceci, ils font cela. Bon, mais qui est-ce qui les met au pouvoir ? C'est quand même nous. Bon, c'est vrai qu'en Belgique, c'est compliqué. Non, je t'arrête. Je t'écoute après. Hein. Oui, mais maintenant, je coupe les gens quand ils disent ça. Qu'est-ce qui les met au pouvoir ? C'est nous, tu dis ça. Mais à la base, c'est pas nous. Enfin, les gens qui font de la politique aujourd'hui, c'est de père en fils, c'est de milieu, c'est de... Enfin, tu vois, c'est... Si tu ne m'avais pas coupé, j'aurais continué. Elle aurait dit la même chose. Si tu ne m'avais pas coupé, j'aurais continué. C'est-à-dire que, bon, en Belgique, on vote, mais le problème, c'est qu'on vote pour les coalitions, avec des gens qui sont toujours les mêmes et qui, effectivement, se succèdent de père en fils. Bon. Mais non, on vote pour des gens, mais après, les coalitions se font dans notre dos. On a pas l'impression que c'est dans le violon, parfois. Hein. Aux élections, c'est... Tout à fait exact. C'est pas parce qu'on a voté et que, à la limite, ils sont les premiers qui vont être au gouvernement, parce que s'il y a les deux suivants qui se rejoignent, ben on est baisés. Qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, là, hein, que les élections communales. Ah, bah oui, tiens. Ah, bah tiens, oui. pas de gouvernement avec l'NVA. On ne va pas parler d'un parti, mais en particulier, puisqu'on n'est pas partisan. Enfin, tout le monde sait bien qu'il y en a qui ont bien avancé pendant ces élections et qui n'en ont pas retiré les fruits, quoi. Et pourtant, on s'est bien passé de gouvernement pendant combien d'années ? Un an. Non, mais la plus grosse arnaque, ça a été le gouvernement MR-NVA, hein, qui s'est fait contre et à l'insu, au corps défendant des francophones, sauf la petite partie MR, quoi. Bon, alors, voter en Belgique, c'est bien, mais encore, il faudrait que ça soit efficace. Donc, il me semble qu'il faudrait changer la façon de répartir les résultats des votes en Belgique. Il faudrait une petite révolution en Belgique, en fait. pas qu'en Belgique, hein. Je crois que la démocratie se résout pas à une élection, à un passage dans un bureau de vote une fois tous les 5 ans. C'est pas ça la démocratie. Il faut trouver autre chose. C'est pour ça que les mouvements citoyens comme les nôtres sont importants pour faire sortir autre chose que d'aller mettre un bulletin dans une urne dont on sait pas très bien à quoi ça servira à la fin, puisqu'ils respectent pas leurs paroles. Mais par contre, les mouvements citoyens, les mouvements des jeunes aujourd'hui, ça, ils s'entendent. Et peut-être que ça donnera, comme tu disais, un espoir vers une autre société plus égalitaire avec la justice. Moi, j'en veux beaucoup à la social-démocratie. Là, attention, hein, parce que la social-démocratie, depuis 30 ans, nous a trahis complètement. Tout l'espoir que la social-démocratie a déposé dans la tête de tous ceux qui ont pu y croire, se sont envolés. Ils ont participé au capitalisme avec une joie et une vitesse incroyable. Et ils ont participé aussi à la perte de tous nos acquis sociaux. Et je trouve que ça, c'est une trahison invraisemblable. Je leur en veux très, très fort. Et ils le payent cher, d'ailleurs, dans toute l'Europe. Parce qu'ils disparaissent maintenant partout. Et je crois que les gens ont bien compris pourquoi il faut les faire disparaître. C'est fini. Et même en Wallonie, où le Parti Socialiste est encore puissant, ça va durer 1 an, 2 ans, et il va redisparaître. S'ils n'arrivent pas à récupérer ce qu'on a perdu au niveau de la sécurité sociale et du reste, ils vont se faire rétamer aussi, hein. Et entre ça et le populisme, je veux dire, oui, ça laisse la place justement à tout des tas de mouvements citoyens qui commencent à se réorganiser, à trouver des autres circuits de distribution, de production, etc. Tout ça, montrer qu'il y a des alternatives. Et les jeunes pour ça, en sont très conscients. Parce qu'on a l'air de croire qu'ils ne s'intéressent qu'à la planète, mais pas du tout. Parce que c'est quand même... C'est déjà pas mal, hein, s'intéresser à la planète. Hein. C'est dommage, comme on disait tantôt. Hein. Si la planète tourne pas rond, ben, le restant ne tournera pas rond non plus. Et donc, quelque part, il faut être conscient de ça, et c'est un combat de tous les jours, c'est un combat ensemble, avec les jeunes, voilà, donc ils peuvent nous rejoindre. Moi, je voulais simplement rappeler que le gang des vieux en colère est ouvert à tout le monde, voilà. Donc aux socialistes aussi, oui. À tout le monde, je veux dire, il n'y a pas de... Oui, mais justement, au niveau de l'analyse globale, ben, je vais pas le dire comme ça, mais ça m'embête vraiment. J'ai l'impression que, pour le moment, à gauche, on tire tout le temps sur son propre camp. Qu'on oublie de définir qui sont vraiment... Quand un type comme Steve Bannon débarque en Europe, qui commence à rallier tous les mouvements nationalistes, tous les mouvements extrémistes, tous les mouvements néofascistes, qu'est-ce que la gauche fait en Belgique ? Elle se divise. Bon, moi, ça m'énerve vraiment, quoi. Parce qu'on est en train de perdre une énergie absolument folle. En se disant, oui, mais non, moi je suis la vraie gauche, moi je suis réelle, moi je suis ceci, moi je suis cela. Merde. La seule chose qu'on va réussir à faire, c'est à laisser libre cours à ces mouvements néofascistes. Et là, franchement, ça me met en colère, quoi. Comment ton prénom, merde ? Excuse-moi, j'ai un problème avec les prénoms. François, oui, ça va aller. Non, ça me met vraiment en colère. Le gang des vieux en colère, c'est signé, ça, hein ? Moi, ça signe de mes colères, vraiment. Mais t'as bien raison. Mm-hmm. Qui a bien raison, parce que c'est assez effrayant ce qui se passe de ce côté-là. Et c'est... Je l'aime bien. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais non, je sais. Sur ça, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi. La gauche se rassemblait. Non, j'ai surtout vu que la social-démocratie a démissionné, et puis c'est tout. Ben oui, mais c'est tout. Mais donc, tu participes effectivement de cette délitation de la gauche. Quoi. Non. Mais si. Ben, on ne sera pas d'accord sur ce point-là. Donc, bon, les amis, on arrive à la fin. Moi, je vous propose chacun de faire une petite phrase sur tout ce qu'on a discuté, de revenir sur le sujet que vous voulez, mais de clôturer là-dessus, quoi. Et moi, j'avais envie de dire, oui, la gauche et la droite, de toute façon, aujourd'hui, les gens, ils en ont marre, ils n'y croient plus, ils sont désabusés, hein, vous voyez. Et pourtant, la politique, quand on sort de cette politique partisane, j'aime pas le mot Dieu, mais mon Dieu, que c'est important, quoi, de... Hein. Oui, mais et aussi, ça a une histoire, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, hein, justement, elle ne croit plus au baratin des vieux. Mais ça a une histoire, hein, la gauche et la droite. Hein. La gauche, ça a vraiment une belle histoire aussi, quoi. Hein, des gens qui se mettent tous ensemble, qui se battent, qui sont solidaires. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais envie de dire ça. Et on fait un tour de demi-table. Je ne crois pas que les gens luttent tout seuls dans leur petit coin. En fait, ça, c'est l'air que ça, enfin, que ça peut avoir. Mais quand on voit les jeunes, les vieux, les syndiqués, les politiques, les apolitiques, tout ça, ils font quand même à la base, si tu vois bien, aussi bien de leur quartier, etc., tout ça. Ils essaient de se mettre ensemble pour discuter, mais pas seulement discuter, ils sont sur le terrain, il y a des associations qui se forment spontanément et tout, et qui essayent de chercher d'autres formules. Rappelle-moi ton prénom aussi. Freddy. Mais moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais j'ai l'impression que ça fait depuis quelques années qu'il y a vraiment une prise de conscience comme ça, que c'est arrivé à saturer. Oui. C'est pas saturation, et que du coup, bah oui, tous les petits gens qui se mettaient par-ci par-là, bah maintenant ils commencent à se rendre compte qu'en fait ils peuvent se donner la main, parce que tu vois ce que c'est, je veux dire. C'est pour ça qu'effectivement nous souvent on se retrouve dans les manifestations à côté d'autres gens, mais on est toujours, hein, comme tu l'as souligné. On voudrait avoir un rôle, enfin, en tout cas, on est entre nous et aux gens, un rôle rassembleur, parce que les idées sont des idées pas portées seulement par les vieux, parce que nous, tantôt, on pense à l'avenir surtout, hein, c'est, pour avoir un avenir décent pour nous et pour tous les autres ensemble, quoi. Tu vois, tout est relié, en fait, hein, si vous regardez. Alors, s'il faut avoir un mot de la fin. Hein, non, y a mais c'est slogan, pas obligé. Hein, non, mais il y a un slogan, je n'ai pas trouvé toute seule, mais les gens disent tout le temps maintenant... la fin du monde et la fin du mois, c'est relié. Voilà. Alors nous, on s'occupe de la fin du mois des vieux et des futurs vieux, mais ça participe d'un grand mouvement, quoi. Je crois qu'on se rend compte aujourd'hui que le système économique qui détruit la planète et qui détruit la solidarité et qui détruit la vie des gens, c'est le même. Et il va falloir en changer si on veut survivre. C'est tout. Mais moi, je crois que, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets beaucoup d'espoir dans les jeunes, beaucoup plus qu'il y a quelques années, parce qu'ils n'avaient plus de conscience politique, ils se laissaient, etc. Là, ils sont en train de bouger. Et je pense qu'on doit leur dire que leur vote, parce qu'on dit le vote ne sert à rien, mais la façon de changer de mode de consommation est plus efficace encore qu'un bulletin de vote. Si on boycotte plein de choses, si on ne rentre plus dans le système capitaliste et qu'on consomme, et moi je le vois, je vois avec ravissement des jeunes qui n'ont pas les moyens, qui viennent au marché et qui disent, voilà, j'ai 10 euros pour mes légumes pour toute la semaine, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, etc. J'adore, quoi. J'irais bien les embrasser en disant, c'est en agissant comme ça que tout le monde va bouger, tout le monde va changer. Et à nous les vieux, eh bien je dirais à tous les vieux, faites attention à ce que vous allez voter le 26 mai. Mais je crois que tout a été dit, hein, finalement. Tout, non, hein. Non, dites pas tout, hein, non, enfin... En gros. Non, parce que par exemple, moi j'avais envie, au début je parlais de... Oui, mais il faudrait qu'on se mette d'accord, c'est quoi le capitalisme? Vous vous souvenez que j'avais posé ça? Au début, on parlait un peu du capitalisme, comme ça a l'air, d'aller de soi, mais le capitalisme, vous êtes d'accord, c'est l'idée de faire du profit. Une association de malfaiteurs. Les riches plus riches, les plus pauvres. Elle est très voilà, jeune, parce simple. Que le capitalisme, comme on le connaît maintenant, il a quoi? Il a 200 ans, 250 ans, il a commencé. Donc, c'est une période vraiment très proche de nous. Et je pense qu'il montre maintenant, tous les jours, qu'il est incapable de gérer la Terre. Et qu'il est incapable de donner aux habitants de la Terre ce dont ils ont besoin, ne fût-ce que pour survivre. Et donc, c'est un système qui, à long terme, va devoir, à moyen terme, va devoir se transformer tout à fait ou disparaître. Et ça va se faire, hélas, comme je connais un peu les hommes, dans la violence. Tu connais un peu les hommes, toi? Ah ouais. Ça va se faire dans la violence, mais vite comme ça, après on termine. Oui. J'ai une question, parce que quel capitalisme meurt? Il n'est plus là. Ouf, ça y est, il est parti. Qu'est-ce qu'on met d'autre en place? Qu'est-ce que vous mettez d'autre en place? Comment vous voyez... Une solidarité, de la coopération, des énergies vertes, des potagers urbains, des choses comme ça. Tout sauf la dictature. Moi, je suis contre toutes les dictatures, oui. Même la dictature du peuple. Toutes. Oui, oui, absolument. On est d'accord avec toi, là, Françoise. Tout le monde. Oui, oui, je crois. C'est une forme de démocratie plus... sur le terrain, et pas les grands mots, effectivement, parce que maintenant, elle était tellement galvaudée, la démocratie, je dirais, quelque part. On en a fait ce que certains financiers et capitalistes, comme on disait, voulaient en faire. Mais là, ils arrivent vraiment au bout, et marre, comme tu disais tantôt, voilà, on en a marre. Nous, on est révoltés, et on se battra sur le terrain local et international. Bon, ben, merci à vous. Et on fait un petit tour des prénoms, parce qu'au départ, c'était ça, on était parti pour ça. Et puis... Oui, ben, bien sûr. Parce que si on peut rêver, pour moi, pour que tout ça puisse se passer bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les hommes politiques ne soient plus des professionnels? Qu'on ne puisse pas faire une carrière dans la politique? Que ça... Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit c'est un métier, malheureusement. Oui, c'est un métier. Et nous? Mais non, pas pour. Oui, voilà. Surtout hein, que les hommes politiques arrêtent de faire les règles pour eux-mêmes. Mais tout à fait. Parce que je pense que si. Mais des gens. Il faut arrêter. Mais des gens qui sont capables peuvent dire je consacre 5 ans de ma vie à aider, à gérer les choses, mais après 5 ans, je retourne dans la vie normale, etc. C'est une des seules façons. Hein. Qui a une impunité à vie, comme tu dis. Or, bon, il faut sévir quand ça va trop loin. Hein, voilà. On fait un tour des prénoms. Jacob. Freddy. Françoise. Paul. Anne. Dany. J'adore, parce que normalement, c'est au début qu'on fait ça. Merci à vous, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci.